gigantesque tenir dans mes bras. Semblait mettre une épaule sans blesse ou sans poids. Tu pèses moins lourd qu'un moine qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes. Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand tu iras à l'école. Jamais tu vas. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas au cheval. Tu sais, maman, que je suis Morgane, toi. Tu veux un petit frangin, tu veux que je t'achète un ami Pierrot. Les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudra que tu lui fasses un petit bandeau. Donne-toi Lola, on n'est pas bien ensemble. Ils sont malheureux. Allez, viens avec moi. Elle chante bien, hein. Ouais, comme Magali Vallée qu'on va recevoir dans quelques minutes. Ouais, forcément, les bons souvenirs. Bien, belle reprise hein, de Claude Capéo. Et ça, forcément, ça. Vous vous rappelez de ça? Tam, ta-la-lam. Et là, vous dites, ah ouais! Super, la Star Ac. Bah oui, hein, la Star Academy. Bah, direction, la Star Academy avec Magali Vallée qu'on va voir au téléphone. C'est parti, numérotation, direction le château de la Star Academy. Allô. J'ai dit direction le château de la Star Academy, t'as vu? Bonjour Magali Vahé. Bonjour. Comment tu vas bien? Quelle patate, dis-moi. Ça va bien, et vous, tout le monde va bien? Ah bah oui, sur la radio arc-en-ciel, tout le monde va bien l'après-midi, il y a du monde qui nous écoute, et puis ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, Magali Vahé, gagnante de la Star Ac version 5, c'était en 2005. Tout ça, c'est ça? C'est ça. Et ça passe c'est vite. C'est ça, tout ça. Et là, je viens de prendre un coup de vieux, je t'explique même pas. Alors, je sais pas. Ah bah imagine-moi alors. Ouais, bon, on est deux petits vieux alors, on va se parler entre deux petits vieux. Alors, toi, tu as quand même partagé la scène avec du grand monde, hein, de Johnny Hallyday malheureusement qui est parti, Maria Carré, Lara Fabian. Aujourd'hui, ça fait quoi d'avoir partagé la scène avec des grands de la musique? Bah, c'est toujours une très grande fierté. Très grande fierté d'avoir eu cette chance parce que j'aurais pu partir bien plus tôt. Ouais. J'aurais pu même ne pas participer à la Star Ac et ne jamais vivre ça. Ouais. Et que ça soit l'aventure ou les duos que j'ai pu partager, ça reste une très grande fierté d'excellents souvenirs. D'excellents souvenirs. Est-ce qu'il y a eu aussi des mauvais moments dans la Star Ac? Forcément, t'as ah oui. Des coups de gueule, des coups de cœur. T'as eu de tout. Il y a de tout là-dedans, hein, à peu près. Oui, bien ouais. sûr. Mais en fait, 15 ans après, on garde que le bon. Ouais. En coup de gueule, t'aurais quoi aujourd'hui sur la Star Academy 5? En coup de gueule, moi j'ai été nominée très très très souvent. Ouais. Alors d'après toi, pourquoi? Pourquoi t'as été nominée souvent? Faut être honnête. Hein. Alors honnêtement, il y a des nominations aujourd'hui en les regardant. Quand ouais. je regarde certaines des vals qu'on peut retrouver sur internet et tout, je me dis non, c'était mérité. Ah, d'accord. Tu t'es dit ouais, il y en a. Ouais. Et il y en a, j'avoue que je comprends toujours pas. Mais voilà, après, je suis pas dans la tête. Est-ce que c'était stratégique? Est-ce qu'on voulait vraiment me faire partir avant l'heure? Ouais. Est-ce que c'était vraiment mérité? Voilà. Ça, il y a que malheureusement, c'est pas moi qui suis juge. La meilleure juge pour savoir. D'accord. Le meilleur que tu garderais dans la Star Ac des participants qui étaient avec toi pendant la version 5, ça serait qui le meilleur souvenir? Ou il y en a peut-être plusieurs, mais avec qui tu rigolais bien, tu passais des bons moments? Moi j'appelais mon chouchou, c'est comme mon petit frère, c'était Arnaud. Ouais. Même si j'avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai pas forcément de nouvelles, ou alors sur les réseaux sociaux seulement. Bon, maintenant, il habite aux États-Unis, donc c'est plus compliqué. Ah ouais, hein, ça, ouais. Ouais. Monsieur a choisi les États-Unis. Mais ouais, ça a été la personne, ça a été la rencontre. Et, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, je revois beaucoup plus souvent Pierre. Ah bah ouais, d'Orléanais. Il est d'Orléans, voilà. Pierre, voilà. Chez nous. C'est ça, Pierre et Ellie, en fait. Même si elle est au Canada, j'ai beaucoup plus, voilà, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir la voir assez régulièrement. Et c'est les deux personnes avec qui j'ai réellement gardé contact depuis. Même si on est tous plus ou moins en contact, puisque grâce aux réseaux sociaux, on arrive à savoir que la vie de chacun. Voilà. Alors, la vie 15 ans après, ça fait 15 ans à peu près, hein, une quinzaine d'années. 15 ans après, ça t'a apporté quoi aujourd'hui, la Star Academy, le château? Eh ben, j'ai envie de dire que ce que je souhaitais depuis que je suis petite, c'est-à-dire vivre de ma passion. D'accord. Voilà, et je pense que c'est pas donné à tout le monde, et j'ai cette chance. Alors oui, après, on va, voilà, quand je dis vivre de ma passion, c'était pas être une star, mon rêve, hein. C'était être chanteuse. Voilà, et être chanteuse, et aujourd'hui, j'arrive à en vivre. Sans être multimilliardaire, hein, mais voilà, j'en vis correctement et ça me suffit et ça me rend heureuse. Ouais, alors, quand on t'a dit bah tu es la grande gagnante, quand le verdict est tombé, il s'est passé quoi dans ta tête? Tout de suite, t'as pensé à quoi, à qui ou personne peut-être? Et j'ai pensé à rien, j'étais complètement paumée. Tu t'es dit qu'est-ce qui se passe? Non. Oui, j'ai mais c'est pas possible. Enfin voilà, ça a été. En plus, moi, j'ai appris beaucoup de choses le même soir, que j'avais gagné, que j'allais enregistrer mon album avec Rick Allison et que j'allais le faire au Canada. Ah ça bon. Fait un peu beaucoup le même soir. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai été complètement paumée. Et puis ça va très vite, puisque une fois l'annonce, l'émission se termine, début d'interview, ensuite photo, après séance de presse. C'était beaucoup de choses. C'est un peu le tourbillon, ouais. On réalise vraiment que plusieurs jours après, en fait, c'est. Mais justement, dans ta vie, quand il se passe des petites choses comme ça, est-ce que après, quand il y a la Star Act, t'es la gagnante, tout arrive en même temps. Est-ce que c'est pas trop d'un coup, tout ça? C'est pas que c'est trop d'un coup, c'est que je dirais qu'après on n'est pas forcément les mieux suivis. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a toujours été présente et qui m'a toujours entourée. C'est important ça. Donc c'est très important pour pouvoir garder les pieds sur terre et pas s'envoler et se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ouais. Malheureusement tout le monde n'a pas forcément la chance que j'ai eue. Et je pense que c'est surtout ça quand on fait cette émission, même si ça va vite, même si il faut être entouré de personnes qui, elles, ont les pieds sur terre pour nous les faire garder. D'accord. Et c'est très, très important. Alors, ouais. Je connais pas ta vie privée, mais si tu es en couple, est-ce que ça a créé quelques problèmes si tu étais en couple à l'époque? Est-ce que ça t'a engendré des problèmes? Alors, à l'époque, voilà. À l'époque, alors, hein. Oui, à l'époque. Je raconte à l'époque. À l'époque, j'avais un copain, donc, pendant que j'étais au château. Ouais. Mais c'était compliqué il m'avait largué deux fois avant. Oh mince, et après il est revenu. Il est revenu une semaine avant que je rentre au château. Donc, bizarre. Voilà, ça a été mon premier vrai copain. Hein, donc, Et vous êtes encore ensemble, là, actuellement, ouais? Vous êtes restés ensemble? Pardon? Vous êtes restés ensemble? Pas du tout. Ah non, t'as changé, d'accord. Ok, non, bah oui. Je te propose pas un plan, c'est juste pour savoir. Non. Si aujourd'hui tu aimerais faire un duo, avec qui tu choisirais dans le monde du showbiz? Beaucoup peut-être. Alors, hormis notre ami Tiad qui doit nous écouter. Bah, en même temps, Tiad, c'est déjà fait. Voilà, c'est vrai. Non, mais on le salue d'ailleurs. C'est déjà fait. Mon Titi, je salue au passage mon Titi. C'est un rêve de petite fille que je n'ai malheureusement pas pu réaliser, même à la Starac. Ouais. Même si j'étais à deux doigts, c'est chanter avec Céline Dion. Ah, Céline Dion, du Canada. Ouais, ça reste un rêve de petite fille. Nom d'un caribou. Ah. Bon, on va parler de la suite de Magali. Alors, c'est quoi la suite aujourd'hui? La suite, c'est un nouveau single donc, qui vient de sortir, qui est sorti là le 20 juin. Dont pour une fois, voilà, pour une fois c'est un single dont j'ai écrit les paroles avec une musique de Sébastien Dujardin. Et c'est une grande fierté parce que quand c'est un titre qu'on a écrit, c'est pas la même chose, quoi. On va l'écouter après. Il s'appelle Des Pleurs, c'est ça? Il s'appelle Des Pleurs. Alors pourquoi Des Pleurs? C'est triste, hein, Des Pleurs. Voilà. Alors il y a le Covid, tout ça, et on va pleurer maintenant. Non, pourquoi Des Pleurs? Ah oui, mais excuse-moi. T'as pas fait exprès. Je vais sortir. Avant le Covid. Eh ouais, pas de bol. T'aurais pu appeler ça du rire. Tout a circulé, donc voilà. Ouais. On fait avec. Hein, je pense que tout le monde malheureusement aujourd'hui est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Eh ouais. Alors pourquoi des pleurs? T'es triste? Est-ce que t'es triste ou alors c'est une image? C'est pas forcément joyeux. C'est tout simplement l'histoire d'un amour qui est impossible, on va dire, voilà. Oh, toi, tu veux pécho quelqu'un, après, toi. Il faut écouter la chanson pour savoir pourquoi il est impossible. Eh ben, on va l'écouter dans quelques minutes, justement. Pourquoi il est impossible, voilà. Alors? Il est pour toi, cet amour? De quoi? Est-ce que cet amour, il t'est destiné? La chanson t'est destinée? Ou alors, c'est une généralité? Non, ça peut, alors, moi, ça m'est destiné parce que ça a été mon histoire. Ouais. Donc vraiment, j'ai écrit cette chanson suite à cette rupture. Ah, ton ex, il commence à nous énerver. Alors, attention, on va l'appeler. C'est ah, c'est un autre. Oh là là. Bon, bah, alors, tes ex, tu leur dis qu'ils arrêtent. Mais par contre, le thème de la chanson peut parler à beaucoup de gens. Ah, d'accord. Les gens vont se retrouver peut-être dans cette chanson. Je pense que oui, et de toutes les générations, parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, tout le monde a peut-être déjà vécu cette situation, donc je vais pas. Bah, dans le même temps, on va l'entendre dans deux secondes, mais on va dire que quand il y a une rupture, on était peut-être plus fait pour être amis. Il arrive souvent. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Ah, Magali, tu vas nous faire rougir. Tu restes avec nous au téléphone? De quoi? Tu restes avec nous? Ah bah oui. On écoute Des Pleurs? Oui. Allez, on te reprend juste derrière, bouge pas. Voici Des Pleurs sur Radio Arc-en-Ciel. Un sourire gravé sur ma bouche, des étoiles d'or plein les yeux. Je me réveille chaque jour, heureuse d'être deux. Tes bras me serrent contre toi. J'ai goûté au bonheur, des mots que je connaissais pas. Je ne souffre plus, je n'ai plus peur. Mais la vie, on a voulu autrement. Je ne partageais pas mes sentiments. De l'amitié au fond du cœur. Un homme qui le comprenait, qui savait lui parler et le consoler. À présent mes larmes coulent, je ne sais comment me soigner. Ça me dévore et tu me souilles par ton regard détaché. Et la vie, on a voulu autrement. Je ne partageais pas mes sentiments. De l'amitié au fond du cœur et au fond du rien des pleurs et au fond du bien des pleurs. Reviens-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Plus autrement, tu ne partageais pas mes sentiments. De l'amitié au fond du cœur et au fond des liens, des pleurs. Mais là, Magali va sur Radio Concel des pleurs. Eh bien, on vient de pleurer, Magali, à cause de toi. Voilà. Alors, quand même pas, je rigole, c'est une image, bien sûr. On a compris un peu le sens. Enfin, moi, j'ai compris le sens de la chanson. Quelqu'un qui te manque, hein, au fond du cœur, quand même. Je t'entends très mal. Ouais, c'est normal, on est à New York, nous. Quelqu'un qui te manque, il y a quelqu'un qui te manque. Il y a un vide au fond de toi, c'est ce que tu dis dans la chanson. Bah, c'est ça, mais bah, comme de toute façon, dans chaque rupture, quelle que soit la raison de la rupture, forcément, il y a un manque. Mmh. Mais là, voilà, la chanson raconte que je pensais avoir trouvé l'amour. La personne qui me fallait, voilà, tout simplement. Mm-hmm. Et que lui me considérait plus comme une amie. Voilà, c'est un peu ça la chanson. Et enfin, c'est même pas un peu, c'est même ça la chanson. C'est la première fois que j'arrive à vraiment mettre des paroles sur un sentiment, ouais. sur vraiment quelque chose de très personnel. Me concernant, et c'est la seule fois d'ailleurs. t'as fait une chanson pour ton ex, et tu écris des chansons souvent comme ça par rapport à un saut d'humeur demain, si tu vas pas bien, tu vas refaire un autre titre, non? Je sais pas. Pas du tout, parce que je n'ai même pas réussi à écrire de chansons sur ma fille. Ouais. Ça a été une chance de réussir à écrire cette chanson. J'espère pouvoir écrire d'autres chansons. Bien sûr. Quel que soit le thème, hein, d'ailleurs. Enfin, j'écris d'autres chansons, mais beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses. Mmh. Voilà. Mais des chansons vraiment qui me parlent, qui touchent à mon histoire. Des fois, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il y en a qui l'écrivent hyper bien. Alors moi, si c'est tous les 10 ans, je devrais pas tarder. ça va pas tarder. D'autres projets après des pleurs, Magali Vahé? Un EP en préparation. Ouais, d'accord. Un EP Combien en préparation. Ça va être 5-6 titres, je pense. On n'a pas encore, pour l'instant, on est dans l'écriture, les séances studio, etc. Mais on n'a pas encore figé le projet, donc ça peut évoluer. Hein. Un EP et puis une tournée. Le plus près là, c'est une tournée d'été dans le sud. Ah bah tu m'as volé la question. Voilà, je voulais te poser la question. Voilà, tu me l'as volé. Bah je vais arrêter d'être animateur en radio alors. Non, il y a une tournée, des concerts. À partir du 1er juillet, donc dans l'Hérault à Marseillan, on commence. Oh, alors là. Là tu me touches. Voilà. Je vais te dire pourquoi tu me touches, parce que j'en ai parlé avec Tiad l'autre jour, et moi je suis au Cap d'Agde à côté, et je vais à Marseille en plage, je vais traîner dans le petit centre-ville. Mais je vais à Marseille depuis que je suis née, c'est un truc de fou, parce que moi ça fait 18 ans que je vais au Cap d'Agde, et je vais souvent à Marseille en plage, donc une discothèque est en face sur l'île des loisirs, là, tu vois, où il y a la fête foraine, là. Je vais souvent faire l'imbécile là-dedans, et c'est dingue ça qu'on s'est jamais croisé à Marseille quand même. Bah peut-être, alors moi c'est là-bas que j'ai fait que j'ai décidé de faire ce métier. Ouais, ouais. En remportant à l'âge de 7 ans un concours de karaoké. Ouais. J'ai mon père qui m'a dit: est-ce que tu veux en faire ce métier? J'ai fait oui, c'est bon, et on va travailler pour. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à prendre des cours de chant, à faire des cabarets, des restaurants. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris un peu ce métier au début, et puis c'est ça qui m'a amené forcément à la Starac et voilà. La tournée d'été à Marseille en plage à côté du Cap d'Agde, hein. Bah, entre autres, il y a aussi Metz, Yass, Agde, voilà, donc sympa. Voilà. Bah j'espère qu'on va se croiser cet été alors. Certainement. Je t'appellerai, on ira se boire un verre au Woody's. Avec plaisir. Voilà. Alors, Magali Vahé, on va se quitter, hein, si tu veux bien, quand même, parce qu'il va falloir y aller, hein. L'émission est bientôt finie. Oh là là. Non. On était contente d'avoir au téléphone, Magali Vahé. Eh ben, moi, merci à vous, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et on voulait remercier aussi Tiad qui nous a filé le rencard. Il est sympa, mon Titi, ça. Je voulais merci le remercier beaucoup, du fond du cœur. Et puis bien sûr une très grande pensée à toi, mais aussi à tous tes collègues pour la nuit. Pour le monde de la nuit. Ouais, c'est voilà. Ça, on pense à eux. Magali Vahé, eh ben on se quitte. Là c'est vraiment l'heure, hein. Je te le dis. Moi je te quitte, hein. Voilà, je vais faire comme tes ex, je vais te quitter. Mais je vais le faire bien. Voilà. Tu feras pas une chanson là-dessus, j'espère. Non, t'inquiète. Salut Magali Vahé. Salut, bonne soirée. Merci à toi aussi, bonne soirée, merci. en direct sur Radio Arc-en-Ciel, Magali Vahey, Star Academy 5. Elle a une patate, cette fille, mais c'est un truc de fou quand même. Hein.